الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. Le plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. إذا جاء الأثر بطل النظر. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. حفظه الله. Cours numéro 14. الخشوع والنظر إلى موضع السجود. L'humilité et la concentration dans la prière. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et le muslimin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a atharahum wa aktafa. Amma ba'd. Fa inna asdaq al-hadithi kitabullah wa khayrun huda hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharra al-umuri muhtathatuha wa kulla muhtathatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإن رآها الناس حسنا أما بعد. Donc inshallah nous allons procéder avant tout à la révision du cours du lundi dernier. Qui peut nous rappeler le thème du cours du lundi dernier? De quel sujet a tourné ce cours? Naam, la position des mains. La position des mains qui doit être observée après at-takbir. Après qu'il a fait at-takbir, qu'il a levé les mains en prière, tamam. Il lui demandait une troisième chose qui est de rabattre ses mains. De rabattre ses mains après qu'il ait fait At-Takbir. Comment il doit procéder? Comment doit-il procéder le Moussalli afin de rabattre ses mains? C'est-à-dire, pour être plus précis dans ma question, comment ses mains doivent être posées lorsqu'il veut les rabattre sur son corps? Il doit poser sa main gauche sur sa main droite, sur la main gauche. Pendant la prière. Ça, c'est quelque chose qui. L'inverse ne doit pas l'être fait. L'inverse ne doit pas être fait. Quel est le jugement quant au fait de rabattre ses mains? Inch'Allah, on va voir les trois manières. Là, c'était juste histoire de faire un petit tanbih, de tirer l'attention sur le fait que c'est la main droite qui doit être sur la main gauche et non pas la main gauche qui doit être sur la main droite. Tamam. Jazakallah khair. Tamam. Donc, barakallahu fikoum, quel est le jugement quant au fait de poser sa main droite sur la main gauche, ni de le rabattre après la prière? Non, c'est un wajib, c'est une obligation. Quel est le dalil qui prouve cela? Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Dans un hadith qui dit كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَجْعَلُوا أَيْدِيَهُمَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. Les gens, ou bien les musallun, il leur a été ordonné de placer leur main droite sur la main gauche pendant la prière. Donc le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'ordonne une chose, comme on a pu voir, la base de l'ordre, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'ordonne une chose, il a comme jugement l'obligation, jusqu'à preuve du contraire. Donc comme il n'y a rien qui prouve cela, donc l'obligation reste telle qu'elle. Il y a un autre avis qui dit que ceci est une sunna. Connaissez-vous le dalil ou bien une recommandation? Connaissez-vous les preuves ou les arguments compris les personnes de cet avis pour dévier l'obligation vers la recommandation? Comment ces personnes-là se sont prises pour dévier l'obligation vers la recommandation? Si vous vous rappelez, ils ont invoqué pour cela un athar as-sahaba. As-sahaba, ils ont pris c'est une personne parmi les sahaba. Naam, ijtihad d'un sahabi. Qui est, barakallahu fikoum, Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, auquel il a été authentifié qu'il faisait cela, c'est-à-dire qu'il priait les bras ballant, c'est-à-dire les bras pendus. Donc ils ont dit, cette chose-là, s'il l'a fait, c'est que forcément, ça a été puisé du kitab ou de la sunna. Ils ont dit, ça c'est forcément, ils ont fait ça d'une qaïda. Ils disent que toute chose qui est reliée à l'adoration, elle ne peut pas être faite par effort d'interprétation. Ça c'est une qaïda qu'ils ont prétendu. Donc ils ont dit, à partir du moment que on sait qu'il ne peut pas avoir d'effort d'interprétation d'un sahabi dans les choses qui sont relatives à l'adoration, donc ceci nous prouve que cela a été puisé du kitab ou bien de la sunna. Donc son acte, on peut en déduire, tamam, qu'il est puisé de le kitab de la sunna, donc le kitab de la sunna, ce sont des choses qu'ils ont la viabilité de pouvoir dévier un jugement vers un autre. Tamam. Quelle est la réponse à cet argument-là? Awalan, est-ce que cet argument-là, il est vrai, il est juste? Et deuxièmement, s'il n'est pas juste, comment on répond à cet argument-là? Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui était connu pour, lorsqu'il faisait des ablutions, de dépasser les limites qui étaient légiférées pour cela, c'est-à-dire des bras, il faisait à partir de la main jusqu'au, peut-être, atteindre l'épaule. Et des, comment ça s'appelle? Lorsqu'il faisait le dos, pour ses pieds, il faisait jusqu'à venir jusqu'au genou. Donc ceci, c'est ma'rouf, c'est connu que Nabi Sassam, il n'a jamais fait cela. Donc si jamais nous, on veut suivre cette qaïda qu'ils ont pris, les personnes pour dire que c'est préférable de rabattre les mains et non obligé, si jamais on prend cet avis-là, si on prend cette qaïda-là, on dit la même chose pour le wudu. On dit le wudu, c'est préférable de le faire jusqu'au coude. Mais si tu veux, tu peux le faire jusqu'aux épaules. Parce que Abu Huraira, il l'a fait. Et cet acte-là, il fait partie des actes d'adoration. Donc, comme ils ont dit, il ne peut pas avoir un effort d'interprétation dans les actes d'adoration. On dit la même chose. Donc, est-ce que vous prétendez qu'on a la possibilité de pouvoir faire le wudu jusqu'aux épaules ou bien jusque de pouvoir faire le wudu jusqu'aux genoux? Ils vont te dire non. Donc, tu dis, le fait que tu dis non ici, tu dis non là-bas. Afin que tu ne sois pas, muttarib. C'est-à-dire que tu suis une même voie. Ce n'est pas une fois la qa'ada elle marche et une fois la qa'ada elle ne marche pas. Tamam. Donc ceci nous prouve que al-qala sahabi, tamam, il peut faire un effort d'interprétation. C'est ce que certains ulama ont jugé de l'acte d'Abdullah ibn Zubair. Ils ont dit, na'am, c'est un effort d'interprétation qu'il a fait et inshallah il est ma'jour. Il est ma'jour par rapport à son effort d'interprétation. Tamam. Amma, il n'aura qu'une récompense parce que la deuxième récompense, il faut que l'acte il soit conforme au kitab ala sunnah et ce n'est pas le cas là. Mais alhamdoulilah, as-sahabi, c'est ma'rouf, il ne faisait pas ça dans le but d'égarer les gens, bien par passion, par effort d'interprétation que lui, il a jugé, il a vu. Et inshallah, il est majeur par rapport à son effort d'interprétation. Radiyallahu ta'ala anhu. Et là, la question, il priait toujours comme cela, et c'était le seul sahabi. Ça, c'est ce qui a été rapporté. Et parmi les tabi'i, il y avait Kazalka ibn Sirin. Il disait qu'il avait l'habitude de faire cela. Est-ce que c'était une habitude continuellement qui priait tout le temps de cette sorte-là, Wallah alam? Lakin, lorsqu'il dit Kana, il faisait ceci, il faisait cela, il nous dit, Al-Imam Nawawi, Kana, ça peut être utilisé pour une chose que tu fais tout le temps. Kana yafal zalika. C'est-à-dire qu'il avait tout le temps l'habitude, ou ça peut être une chose qu'il avait souvent l'habitude de faire. C'est-à-dire, pas tout le temps, mais dans la majorité des temps, il avait l'habitude de faire ça. Donc, Wallah alam, par rapport à ce qu'implique ou bien ce que démontre la langue arabe, on peut en déduire peut-être que c'était une habitude qu'il avait. Wallahu a'lam. Donc, on avait pu voir aussi, kadhalika, que le fait de prier de cette sorte-là, c'est-à-dire de rabattre les mains, barakallahu fikum pour la salah, qui est une obligation, et aussi, si vous vous rappelez, c'est une sunnah parmi les sunnahs des prophètes. Les prophètes, ils avaient pour habitude, na'am, de faire cela. Comme on a dit, Abu Darda, رضي الله تعالى عنه قال من أخلاق العلماء من أخلاق قال من أخلاق الأنبياء وضع اليمنى على اليسرى. Donc il fait partie des sunan d'Abu Darda, des nobles caractères des prophètes, de rabattre les mains pendant la prière, c'est-à-dire mettre la main droite sur la main gauche. Donc même si jamais les personnes qui voient que l'avis est la recommandation, on leur dit, on dit aux personnes qui ont suivi cet avis-là, malgré cela, il est fortement détestable que tu pries les bras ballants. Donc, on leur dit, même si c'est une recommandation, c'est pas pour cela qu'il faut délaisser cette sunna, parce que c'est une sunna des anbiya, et nous, on doit suivre les anbiya. Et Nabi Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِي. Et Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne au Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme le figure dans cette ayah, qui suivent la voie des prophètes. Donc, kadhalika nahnu, nous sommes ceux qui suivent Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous a aussi ordonné de suivre les prophètes, de faire la même chose qu'eux. Quel est le jugement de la personne qui prie les bras ballants tout en pensant que cet acte-là va le barakallahu fikum, le rapprocher d'Allah azawajal? Bid'ah, c'est une chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Toute adoration qui est prise dans la religion pour se rapprocher d'Allah azawajal, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, tamam, et ni inviter les gens à le faire, ceci est une bid'ah. Une chose qui n'a pas lieu d'être. Ça, c'est le jugement ou bien la fatwa de Cheikh Ibn Hazm, Muhammad Ibn Hazm, Cheikhana hafadahu Allah ta'ala. On a pu voir qu'il y avait plusieurs manières afin d'aboutir à cela, c'est-à-dire afin de prier la main droite sur la main gauche. Il y avait plusieurs manières pour faire cela. Qui peut nous rappeler combien de manières est-il possible de faire ou d'entreprendre pour cela? Le nombre, simplement le nombre. Ensuite, on va venir. Il y a trois manières de faire. Donc là, je vais poser une question à la participant numéro 7. Peux-tu nous ramener la première manière de faire, ensuite le participant numéro 1, il nous ramène la deuxième, et ensuite celui qui veut, il ramène la troisième. Tamam. Et celui qui ignore, il peut dire Allahu a'lam. Donc poser la main droite sur la gauche de façon à ce que la main droite touche les trois parties de la main, poignet et l'avant-bras, tamam, et t'as oublié le troisième, la main, c'est-à-dire le dos de la main. Le dos de la main, ça c'est la première kayfiyah. La première manière de faire qui a été authentifiée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Faddal, la deuxième kayfiyah. Naam. Tam, donc la main droite attrape la main gauche. Qu'est-ce que tu entends par là, par la main gauche? Elle est de la main jusqu'au coude. C'est-à-dire que si tu veux, tu prends ta main. Si tu veux, tu prends ton poignet. Ou si tu veux, tu prends ton avant-bras. Tamam. Quelle est la troisième kayfiyah, la troisième manière de faire? Poser la main sur le coude. Le coude. Le coude ou l'avant-bras? L'avant-bras. Sur l'avant-bras, tamam. Poser la main sur l'avant-bras. Tamam. Soit tu peux attraper, donc si tu veux, pour récapituler, tu attrapes ta main. Tu poses ta main, je veux dire, sur le dos de la main, le poignet et un bout, une partie de l'avant-bras. Ça, c'est la première kayfiyah. La deuxième, c'est d'attraper, pas poser. Attraper. Soit ton avant-bras, soit le poignet, ou bien soit le dos de la main. Tamam. La troisième kayfiya, c'est de poser sa main sur l'avant-bras. De poser, pas attraper. Qu'en est-il de certaines personnes qui font, dont on voit l'extrémité de leur doigt, ils arrivent jusqu'au coude. Et certaines personnes, ils attrapent les triceps, ou bien qui attrapent le coude lorsqu'ils rabattent les mains pendant la prière. Non, mais il n'y a aucun fondement sur cela. Aucune chose qui prouve cela. On a vu qu'à l'Aleka, l'endroit qui doit être mahal al-wad'a, c'est-à-dire l'endroit qui doit être observé pour poser la main, les deux mains. Ou donc à quel endroit il est demandé au musalli qui pose sa main, c'est-à-dire qui rabatte ses deux mains, à quel endroit du corps? La poitrine. Tamam. Et s'il pose sur une autre partie de la poitrine, quel est le jugement? Non. À Sahih, c'est ça. Le Moussalli, il les pose où il veut. Sur l'endroit, sur la partie de son corps, c'est-à-dire à partir du moment où ça ne va pas en contradiction avec le fait de bien poser sa main, ta main sur la main droite, sur la main gauche. Car comme c'est le cas, si jamais tu te mets debout et tu veux mettre ta main, alors je le fais comme ta main droite sur ta main gauche, mais laquelle tu veux le mettre en dessous du nombril. Là, yani, la main droite, l'intégralité de ta main droite, tu auras du mal à la poser. À la poser, hein. À l'attraper, ça, c'est possible. Mais à la poser, tu auras du mal à le faire. Tu auras du mal à le faire. Donc ça veut dire que, wallah alam, l'endroit qui est le plus apte, yani, c'est que ce soit au-dessus du nombril. Yani, que ce soit au niveau du ventre ou bien au niveau de la poitrine. Et certaines personnes, ils ont un peu de... Par rapport à ça, ils ont de l'exagération. C'est-à-dire que des fois, tu peux voir la poitrine, tu vas le voir si jamais tu l'as mis, comment ça s'appelle, un tout petit peu, c'est-à-dire entre la poitrine et le ventre, Tamam. Ils vont venir pendant la salat te prendre ta main, tes mains et te mettre jusqu'à l'œsophage. Ça, c'est du rouleau, c'est de l'exagération. Tamam. La mas'ala fi khilaf, tamam. Il y a une divergence dedans. Tamam. Donc venir perturber ton frère jusqu'à mettre au niveau de l'œsophage, ça c'est une chose qu'il faut délaisser. Tamam. À la fin de la prière, si jamais il voit que la vie c'est de le poser sur la poitrine, il le conseille. Tamam. À moi d'avoir de la shidda comme ça, d'avoir de la dureté. Dans des moments, dans des sujets où la douceur doit être observée, c'est pas l'air, c'est pas convenable. Tamam. Donc on a pu le voir le hadith, il y en a qui dans lequel est évoqué qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine pendant la prière. Tamam. On a pu voir que ce hadith là, quel est le jugement de ce hadith, si vous vous rappelez? Non, c'est un hadith qui est munkar. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le rapporteur de ce hadith, ou bien dans la chaîne de transmission, s'y trouve un rapporteur qui s'appelle Mu'ammal ibn Ismail. L'état de cette personne-là, c'est que c'est une personne qui est da'if al-hadith. C'est-à-dire qui est caractérisée par les qualificatifs par lesquels on ne peut pas juger que ses propos, ses textes, les hadiths qu'il rapporte, sont hasan ou bien ils sont sahih. Donc il est da'if, il a une mauvaise mémorisation. Et la mauvaise mémorisation, c'est une chose qui qualifie le rapporteur d'être da'if. On ne peut pas prendre de ses hadiths. Rajoute à cela, il a sa faiblesse dans la mémorisation, il a contredit une majeure partie de rapporteurs qui ont rapporté catalek al-hadith, mais sans ajouter sur la poitrine. C'est-à-dire qu'ils ont ramené le hadith en disant « Le Messie sallam, il a posé sa main droite sur sa main gauche pendant la prière. Hein » Donc cette sourate-là, le cas où la personne qui est da'if et qui contredit une majeure partie de rapporteurs, ceci s'appelle dans le mustalah, yani hadith munkar. C'est-à-dire c'est un hadith da'if et en plus il contredit les gens qu'ils ont ramené une version autre que celle que par laquelle il est venu. On a pu voir aussi Kataleka, qui a un autre hadith ou une autre version qui est venue, mais dans la chaîne de transmission, Kataleka, il se trouve une personne qui est majhoul, c'est-à-dire qui est inconnue. Donc, ni on connaît le côté de son dîn, et ni on connaît l'état de sa mémorisation. Et cela, c'est deux conditions qui doivent être observées pour juger d'une personne, ou bien pour accepter les hadiths d'une personne. Et un troisième hadith qui est venu, ou plutôt, c'est plutôt un athar, c'est un hadith qui a remis un tabi'i, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Et comme c'est ma'ruf, il n'y a aucun tabiri qui a rencontré un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on veut connaître quel est l'intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la kulli hal, il y a une probabilité qu'il y a un tabiri qui est entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on veut connaître l'état de ce tabiri. Peut-être qu'il a accepté, peut-être qu'il n'est pas accepté. Donc à partir du moment qu'il y a cette probabilité et que le doute y plane, khalas, on ne peut pas se permettre de juger du hadith, yannick qu'il est. صحيح وكان كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى اذا ثبت الاحتمال بطل الاستدلال à partir du moment que la probabilité le doute il plane tu peux pas juger d'une chose avec cela tamam. Donc le hadith il est pas authentique mais la personne elle est libre de poser sa main où elle veut à partir du moment qu'elle sont bien posées comme nous l'a évoqué participant numéro 7. Jazakallah khair. Bismillah ar-rahman ar-rahim. قال الامام الالباني رحمه الله تعالى. Donc la mas'ala 40, j'ai oublié de l'évoquer la dernière fois. قال ولا يجوز ان يضع يده اليمنى على خاصرته. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, il nous évoque dans ce paragraphe qu'il n'est pas permis de poser sa main sur ses hanches pendant la prière. Et cela en conformité avec le hadith qui est muttafaqun alayhi, hadith Abu Huraira, انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى الرجل مختصرا. ان يصلى الرجل مختصرا, c'est-à-dire en posant les mains sur la hanche, tamam. وفي رواية للبخاري عن عائشة قالت أن ذلك فعل اليهود. Donc le fait de faire cela, c'est une ressemblance avec les Yahoud. C'est une ressemblance avec les Yahoud. تمام. De poser la main sur les hanches, ceci est une habitude des Juifs. Donc ceci, c'est une chose qui n'est pas valable de faire. تمام. De poser sa main sur ses hanches pendant la prière, c'est une chose qui est interdite. Car Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit Naha, interdit. Donc le fait qu'Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam interdit une chose, ça fait du jugement de cette chose qu'il est haram. Tamam. C'est-à-dire que celui qui le fait, il aura exposé sa personne au châtiment avilissant d'Allah Azzawajal s'il ne se repent pas de cela. Il aura commis un péché. Tamam. Donc, de poser sa main sur les hanches pendant la prière, c'est une chose qui est haram. C'est une chose qui est haram, c'est du tashabbu bi al-yahoud. C'est un trait de ressemblance avec les les Yahoud, les Juifs. Cheikh Ibn Hizam, hafizahullah ta'ala, nous dit, est-ce que ce jugement-là, c'est-à-dire de poser les mains sur les hanches, est un jugement kazalika qui est global, c'est-à-dire qui englobe pendant la prière ou en dehors de la prière, c'est-à-dire que la personne qui a pour habitude de laisser ses mains sur les hanches, est-ce que ceci est une ressemblance avec Al-Yahoud, même si jamais c'est fait en dehors de la salah? Amma, pendant la salah, c'est mahrou, c'est comme c'est, on a pu le voir, ceci est interdit. Hein? Mais est-ce que si jamais il fait cela en dehors de la salah, c'est aussi une ressemblance avec les Al-Yahoud? Il nous dit, Cheikh Ibn Hizam, hafizahullah ta'ala, le mieux c'est d'éviter. Le mieux c'est d'éviter cela, à partir du moment où on sait que c'est un trait de caractère particulier au Yahoud, même si on n'a pas vraiment la preuve qui nous prouve que, comme en dehors de la salah, ça fait aussi, ça fait partie d'un trait de ressemblance, mais le mieux c'est d'éviter, car Aïcha qu'alat, yani anna dhalika fi'l al-Yahoud. Yani ceci, c'est-à-dire mettre les mains sur les hanches, est-ce que c'est mettre les mains sur les hanches pendant la prière? Ça c'est sûr. Est-ce que ça englobe aussi en dehors de la prière? Ça c'est une chose, Inch'Allah, dont le doute y plane. Donc quand c'est comme ça, Inch'Allah, c'est mieux d'éviter. Wa kama qila ma 'ubida Allah bi ahsana min al-wara'. Allah subhanahu wa ta'ala, yani il est mieux d'adorer Allah azza wa jalla en observant de délaisser des choses dont tu as peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en sachant que peut-être que ça va être une chose qui va te nuire yawm al-qiyamah. Donc à partir du moment où tu as un doute que cette chose-là peut être une nuisance pour toi yawm al-qiyamah, le mieux c'est de délaisser. Comme ça tu es bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu es saint et tu es épargné inshallah d'être exposé au châtiment. Donc le mieux inshallah c'est d'éviter cela, c'est d'éviter cela. Il y a certains athars qui sont venus authentiques de certains tabi'i qui avaient l'habitude de faire cela. En gros, il y a certaines personnes parmi les musulmans et les tabi'in qui avaient l'habitude de faire cela, c'est-à-dire prier avec les mains sur les hanches, mais comme on a pu le voir, Inch'Allah, ceci n'est pas un argument ni pouvant dévier le jugement de l'interdiction vers la chose qui est détestable. Comme on a pu le voir, il y en a précédemment avec la Qadiyya, le cas d'Abdallah ibn Zubayr, et le cas d'Abu Hurayra. Donc il n'y a rien qui nous prouve le contraire. Donc le fait de prier en mettant les mains sur les hanches, c'est une interdiction, c'est une chose qui est haram. C'est une chose qui est haram. Hatta ibn Umar, il nous dit, « Huwa salbu fi salah. » Tu es en train de t'identifier à une croix. Il dit cela, mais elle n'est pas recommandée. Donc ceci est interdit. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى الخشوع والنظر الى موضع السجود, c'est-à-dire quel est le jugement barakallahu fikum d'observer l'humilité, la concentration pendant la prière, et quel est l'endroit qui doit être observé ou bien qui doit être fixé, dont le regard doit fixer pendant la prière. Donc voici la mas'ala ou bien le cours d'aujourd'hui sur lequel il va tourner aujourd'hui inchallah. À savoir que l'al-khushu', donc la concentration, qui se traduit par la concentration de l'humilité en français, dans le dîn islami, il a pour définition, comme l'a évoqué l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fi madarij as-salikin, il nous dit, c'est le fait que ton cœur se tienne devant Allah azza wa jal par humilité et soumission, et que ton cœur soit entièrement replié à Allah azza wa jal. C'est-à-dire que comme on peut le voir à travers ce texte-là, que Naham al-Khushu' c'est une chose qui est propre au cœur. Dans la langue arabe, c'est al-Khushu' qiyam al-qalb bayna yaday ar-Rabb bil-khudu' wal-dhul wa jam'iyyatu 'alayhi. Tamam. Donc comme on peut le voir à travers la définition de cet éminent imam, qui est Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, on peut voir que la concentration et l'humilité, c'est une chose qui est propre au cœur. Tamam. Ça fait partie des actes du cœur. Et cet acte du cœur, si jamais il est bien observé, si jamais il est bien implanté dans le cœur, il va donner naissance aux membres, il va donner, c'est-à-dire que la personne qui est concentrée, qui se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala de manière humble et par humilité et soumission, cet acte-là qui est du cœur, tu vas le ressentir, kazalika, à travers les membres. C'est-à-dire, tu vas trouver une tranquillité dans cette personne-là quand il va prier. Ama la personne que tu vois qui est agitée, ou qui tourne à droite à gauche, que ce regard va à droite à gauche, tu peux déjà juger que son cœur n'est pas totalement repli à Allah Azza wa Jal et qu'il est en train de penser à certaines choses. Car si jamais son cœur il aurait été totalement concentré à Allah Azza wa Jal, comme on a pu le voir à travers la définition, il aurait donné naissance à la tranquillité dans les membres. La tranquillité dans les membres. Et il y a une différence à faire entre al-khudu' wa al-khushu', comme l'a dit l'imam Ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, il nous dit Al-Khushu', c'est un acte qui est propre au cœur. Am Al-Khudu', c'est Kazalika, c'est un acte qui est, qui est propre aux membres. Les deux, pour synonyme de tranquillité, d'une tranquillité et d'une concentration, laquine, le Khushu', c'est pour le cœur, et le Khudu', c'est pour les membres. Tamam. Celui qui a une concentration dans le cœur, il aura kadalika une concentration dans les membres, c'est-à-dire ses membres seront apaisés et tranquilles. Quel est le jugement du khushu' pendant la salah? Le fait d'être replié à Allah Azzawajal de manière humble, par humilité, par soumission, d'avoir un cœur totalement dirigé vers les valeurs de la prière et vers la grandeur d'Allah Azzawajal. Quel est son jugement dans la prière? Cette mas'ala-là, ce sujet-là, est un sujet de divergence auprès des ulama. Parmi eux, certains de ulama voient qu'il est obligé d'avoir al-khushu' fi salah, que la personne lui est obligatoire d'être concentrée dans la prière. Jusqu'au point de dire que si jamais la personne dans sa prière, ou bien la majeure partie de sa prière, il n'est pas concentré, son esprit l'est voué à d'autres choses que les valeurs qui doivent être observées à la prière, ils nous disent que ceci annule la prière. Donc, ils voient que c'est un acte qui annule la prière à partir du moment où la majeure partie de la prière a été réservée à des occupations autres que les valeurs de la prière. Laquelle l'avis qui est prépondérant et qui est juste, c'est de dire que ceci est une sunna parmi les sunnan de la prière. Donc, c'est une chose qui est recommandée, qui est très fortement recommandée. Tamam. Laquelle, ce n'est pas une chose qui annule la prière si jamais elle n'est pas observée. C'est une sunna, c'est le cas des prophètes. C'est une sunna, et qui est une sunna, c'est le cas qu'observaient les prophètes. Comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كما في سورة الأنبياء. Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il a évoqué un grand nombre de prophètes dans Surat Al-Anbiya, ensuite il fait l'éloge de ces personnes-là en disant qu'ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et crainte. Ils étaient humbles devant nous, c'est-à-dire qu'ils étaient concentrés, repliés, qu'ils étaient qui faisaient part d'humilité dans la prière. Donc ça c'est l'Anbiya. La sunan des Anbiya, c'est l'humilité de prier de manière humble devant Allah Azzawajal. Donc c'est une chose qui est fortement recommandée à ne pas délaisser, à faire. C'est très recommandé de faire. La preuve donc qui nous prouve, pour revenir au jugement, que le khushu' c'est une recommandation et non une obligation, le hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, les imams Bukhari et Muslim, dans leur recueil, dans lequel, selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, annahu qal, fa'idha قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قضي التثويب أقبل الشيطان حتى يختار بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى متفق عليه. Dans ce hadith, il nous dit, lorsque l'iqama est fait, c'est-à-dire l'appel à rejoindre les rangs pour la prière, lorsque l'iqama est achevé, Shaitan s'empresse à vouloir chambouler l'esprit du musalli en lui insufflant, rappelle-toi de ceci, rappelle-toi de cela. Alors que le Moussali est dans la prière. Rappelle-toi de ceci, rappelle-toi de cela, jusqu'au point de lui faire oublier. C'est-à-dire, Shaitan, il fait cela jusqu'au point de lui faire oublier au Moussali combien d'unités de prière a-t-il prié. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a trouvé cela, c'est-à-dire qui ne sait plus combien il a prié, qu'il fasse alors sujoud al-sahw, c'est-à-dire la prosternation de la distraction. Donc ce hadith-là, comme l'ont évoqué les ulama, nous prouve clairement que le fait d'être déconcentré pendant la prière, c'est une chose qui annule pas la prière. Car si jamais ça aurait été le cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait ordonné de recommencer la prière. Comme le prétendent, certains parmi les ulama, ils nous disent, si jamais la majeure partie de la prière, il est déconcentré dans la majeure partie de sa prière, certains ulama disent que ceci annule la prière. Mais comme on peut le voir, si jamais ça aurait été le cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui aurait demandé de recommencer la prière, parce que cette personne-là, jusqu'au point, il ne sait même plus combien il a prié. C'est-à-dire qu'il était vraiment déconcentré pendant la prière. Mais malgré cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pour cela, il doit prier, il doit faire deux prostrations de distraction. Donc ceci nous prouve que ceci n'annule pas la prière. Tamam. Il est venu un hadith dans lequel il est dit barakallahu fikum idha sallaytum fala taltafitu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuwajihi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il est en face du serviteur lorsqu'il prie, il est devant lui. Tamam. Donc le fait que tu sois déconcentré, tu as en face de toi Allah azza wa jalla, qui est le plus grand. Lorsque tu viens, tu dis Allahu Akbar, tu es en train de proclamer la grandeur d'Allah azza wa jalla. Donc il incombe au musalli que son esprit soit là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est en face de lui. Tu viens de proclamer sa grandeur, donc ne sois pas déconcentré, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en face de toi. Donc ceci est vraiment détestable de penser à une autre chose que la grandeur d'Allah azza wa jalla et les valeurs de la prière. Et les valeurs de la prière. Au cas d'Alika, comme vous pouvez connaître par rapport au hadith Ibn Umar ou bien hadith Umar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: l'ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tara, fa'innahu yarak. Il dit: tu dois prier, tu dois adorer Allah azza wa jalla de manière à ce que c'est comme si jamais Allah subhanahu wa ta'ala était devant toi, tu le voyais. Mais si jamais tu n'arrives pas à faire cela, c'est-à-dire à atteindre ce stade-là, donc toi, n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Donc la personne, lorsqu'elle prie, il faut qu'elle se rappelle cette valeur-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Tamam. Certaines personnes, tu vas les voir peut-être, lorsqu'ils sont devant des personnes d'un haut rang, comme c'est les cas des ministres ou les cas de l'akhirihi, tu vas le voir, il va se tenir d'une manière tranquille, humble devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus digne à ce qu'on soit bien concentré dans notre prière, tamam, et que notre esprit ne soit pas voué être autre chose que la grandeur d'Allah azza wa jalla et les valeurs. Donc vous voyez comment Shaitan, il veut s'amuser à vouloir faire oublier les valeurs de la prière au musalli jusqu'au point de lui faire oublier combien il a prié. Donc comme ce hadith le prouve, ceci n'annule pas la prière, mais il amoindrit la récompense. La récompense sera moindre. Celui qui est déconcentré dans la prière, sa récompense elle sera anil qalila. Comme cela est venu du hadith Abi Yusuf, marfou'an anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, minkum man yusalli salata kamila, ومنكم من يصلي النصف ومنكم من يصلي الثلث ومنكم الربع والخمس حتى بلغ العشر. تمام. ce hadith là il a été qualifié de hassan par notre cheikh Mohamed ibn Hizam hafidhahu Allah ta'ala. Donc dans ce hadith là le Nabi sallam nous dit que certains d'entre vous prient d'une manière complète, c'est-à-dire qu'il est totalement concentré. D'autres prient comme si j'avais d'autres prieront et auront la moitié de la récompense. D'autres vont prier et auront un tiers de la récompense. D'autres, un quart. D'autres, un cinquième. D'autres, un dixième. Tamam. Ceci nous prouve que plus la personne va être déconcentrée et plus la récompense sera moindre. Tamam. Donc ça n'annule pas. Mais là, qui est la récompense du prieur, du musalli, elle va être diminuée jusqu'à peut-être Yanni qui sort de la prière sans être récompensé. Donc le fait d'être concentré, c'est une chose qui est très importante. Tamam. Qui est très importante. Car on a Allah subhanahu wa ta'ala, on proclame la grandeur d'Allah azza wa jal, donc on doit observer cette valeur-là qui est grande. Tamam. Et on doit observer, barakallahu fikum, les valeurs de la prière. Car dans la prière, tu te dois, barakallahu fikum, de te concentrer sur tes doigts que tu es en train de faire, sur les invocations que tu es en train de faire, sur la méditation du Coran et autres. Ces choses-là doivent être observées d'une manière intégrale. Tamam. Et quand il y a un grand mérite quant au fait d'être concentré dans la prière. Comme ceci est évoqué dans le verset de Surat Ahzab, « Allah subhanahu wa ta'ala qal, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, wal sadiqina wal sadiqat, wal sabirina wal sabirat, wal na'am wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. dans ce long verset, Allah subhanahu wa ta'ala évoque une ni'am où nous fait part qu'il a réservé un pardon et un rétribut énorme pour les musulmans et les musulmans, les mu'mines et les mu'minats, les obéissants et les obéissantes, les véridiques, les patients, ceux qui sont humbles devant Allah azza wa jalla, c'est-à-dire qui prient avec humilité, qui prient avec concentration, ceux qui barakallahu fikum, ceux qui donnent as-sadaqa, tamam, ceux qui donnent l'aumône, ceux qui font as-siyam, ceux qui se rappellent d'Allah azza wa jalla, ceux qui préservent leur sexe de la fornication, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé un pardon et une récompense énorme. Donc il y a dans le fait d'être concentré une récompense énorme et un pardon, une expiation des péchés. Kamaza sabata zalika kadhalika an an nabi sallam annahu qala minkum na'ama minkum imra'un tahduru salatun maktuba tahduru salatun maktuba fayuhsinu wudu'ahum wa khushu'ahum illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ta kabira rawahu muslim. Donc ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, un nabi sallam nous fait part que certains d'entre nous, lorsque il se présente à la prière et qu'il accomplit parfaitement les ablutions, kadhalika, ils ont été humbles face à Allah azawajal, concentrés, ils ont parfait leur ruku', ils ont parfait à sujoud, il nous dit sans que cela soit une cause qui expie les péchés qui sont intérieurs à partir du moment que la personne ne commet pas des grands péchés. Donc il y a une grande récompense dans le fait d'être concentré dans la prière. Barakallahu fikoum. قال رحمه الله تعالى وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه. يعني ليش خلال الباني؟ donc il lui incombe. Donc là comme on peut le voir, il lui incombe. C'est pas une obligation comme on a pu le voir, c'est une recommandation qui est très détestable de délaisser. عليه il y en a عليه, tu peux comprendre que c'est obligé dans l'arabe. C'est imposé. Lakin comme on a pu le voir, ceci n'est pas imposé. تمام؟ ou c'est très recommandé, mais celui qui délaisse cela, il a délaissé une grande valeur de la prière. قال وعليه أن يخشع في صلاته وأن نعم أن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه. Donc il lui incombe d'être concentré dans la prière, tamam, et de délaisser et de s'écarter de toutes choses qui vont le distraire pendant la prière, de toutes choses qui vont le distraire dans la prière. نعم, car ceci yani c'est comme on a pu le voir, c'est totalement yani déconseillé et c'est fortement détestable. Car cela va à l'encontre yani de la grande valeur qui est la concentration al-khushu'. Wa nabi sallam qala inna la fi salati shughla. Il nous dit, Nabi Sallam, la prière a ses occupations, qui sont, comme on a pu le voir, la méditation des versets, les invocations, le fait de se repentir. Tu dois revenir vers Allah, Azza wa Jal, donc pleurer. Pas pleurer, forcément, mais regretter ce que tu as fait comme péché. Te rappeler du rappel d'Allah, Azza wa Jal, de te rappeler de sa grandeur, d'être soumis. Il y a des valeurs et des hautes sollicitations qui doivent être observées, et ceci sont les préoccupations de la prière. Donc on ne doit pas. Nos esprits ne doivent pas être déviés vers autre chose que ces grandes valeurs qu'il y a dans la prière. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala dhikrullahi akbar ». Le rappel d'Allah azza wa jal, c'est le plus grand. Donc comment peut-on penser à d'autres choses qui sont moindres que le rappel d'Allah azza wa jal? Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand. Donc le fait de penser aux choses autres qu'Allah azza wa jalla pendant la prière, c'est le fait de délaisser une chose qui est meilleure et qui est plus grande. Donc on se doit barakallahu fikoum, s'enjoindre la concentration dans la prière. Car ceci est une grande valeur de la prière et un grand respect de la législation islamique. Il nous dit que ذَلِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَعَمْ وَأَنْ يَجْتَنِبَ كُلَّمَا قَدْ يُلْهِيهِ عَنْهُ مِنْ زَخَارِفْ وَالنُّقُوشِ. الزخارف yani c'est tout ce qui est motif et décor. Il doit éviter de prier vers ces choses-là, c'est-à-dire que les tapis doivent être, inshallah, yani sans motif, afin que la personne ne soit pas déconcentrée pendant la prière. Ou kazalika les affaires. Donc on s'enjoint à cette chose-là. On s'enjoint à cette chose-là, c'est-à-dire la personne, les personnes qui prient, inshallah, ils prient avec des qamis qui sont simples, des qamis qui sont simples, de couleur unique. Kazalika yani certains de comme c'est le cas ici, ils portent des pagnes, c'est-à-dire l'izar. Le izar, inshallah, il faut qu'il choisisse un izar qui soit pas qui ait pas de motif afin qu'il distrait pas son frère pendant la prière. Donc yani les vêtements, inshallah, ce doit être unique, ce doit être de sans motif, sans yani, afin de que tu ne perturbes pas ton frère et kazalika que tu te perturbes pas toi. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam à travers ses actes nous a fait comprendre que ceci est détestable, comme cela a été rapporté par حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهنتني أنفا عن صلاتي. Donc dans ce hadith qui est متفق عليه, un Nabi صلى الله عليه وسلم nous indique qu'il avait pris un jour dans un vêtement de laine sur lequel il y avait des motifs. Pendant la prière, Nabi صلى الله عليه وسلم se mit à regarder ces motifs-là. Puis lorsqu'il a fini la prière, il a dit, prenez ce vêtement-là et allez voir Abu Jahm et demandez-lui qu'il me passe un vêtement sans motif. Un bijaniya, c'est un vêtement qui est sans motif. Il nous dit, la raison pour cela, c'est que ce vêtement l'a distrait pendant la salat. Katalika, hadith Aisha, kana li Aisha thawbun fihi tasabir. ممدود إلى سهرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني فإنه لا تزال تساوره تعرض لي في صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم il a pris un jour عند عائشة تمام et elle avait un vêtement qui était étendu dans la maison dans lequel il y avait des motifs et النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit نعم enlève ce vêtement là ou bien pousse-le sors ce vêtement là car les images qu'il y avait sur ce vêtement-là n'ont cessé de me troubler l'esprit, on va dire, pendant la prière. Donc ce hadith-là nous prouve qu'on doit observer les lieux, les endroits, ou bien plutôt il y en a s'écarter des endroits qui vont nous distraire pendant la prière, tamam. Et kazalika, le hadith qui est précédent nous indique que les vêtements kazalika, ils doivent être exempts de tout motif et chose qui peut nous distraire, comme c'est le cas, yani, dans notre époque, il n'y a pas un vêtement sans qu'il y ait un motif dessus, sans qu'il y ait peut-être une sourate, ou bien une publicité, le nom de la marque, ceci, cela. Donc, Inch'Allah, on se doit, barakallahu fikoum, d'essayer d'éviter d'acheter ce genre de vêtements et de prendre des vêtements qui sont uniques, tamam, afin de ne pas être distrait et, cas d'al-cas, de ne pas distraire nos frères pendant la prière. Tamam. Et, na'am, afin qu'il n'y ait pas de shubuha, tamam, les images qui sont évoquées dans ce hadith, on ne peut pas prendre une preuve pour cela, pour dire que les images sont légiférées. Peut-être la personne va dire, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a prié. Il a juste dit d'enlever cet habit-là dans lequel est figurée une image. Il n'a pas dit découpe l'image. Tamam. C'est pas forcément l'image. Il a dit atasabr. Tamam. Atasabr ou les sourates. Les images, tamam, elles peuvent être de deux sortes. C'est-à-dire, ça peut être une sourate qui a une âme ou une sourate qui a pas d'âme. Donc à partir du moment où ça a été justifié, tamam, on peut pas prendre de ce hadith-là et dire que on peut prendre des habits qui ont des images ou avec des âmes. Tamam. Non, abedan. Tamam. Ce hadith-là, il restreint pas. Est-ce qu'il y avait une âme ou il y avait pas une âme? On ne sait pas. Amma, on sait que Nabi sallam, il a dit la'an Allah musawwirin. Il a dit kadhalika la tara suratan illa tamasta. Il ne laisse aucune sura à laquelle il y a une âme sans que tu l'as enlevée. Tamam. Donc il n'y a pas de dalil par rapport à ça pour les gens qui suivent leur passion. Qala rahmahullah ta'ala fala yusalli bi hadrati at'am bi yashtahi wa la huwa yudafi'uhu al-bul wal-gha'it. Il a dit kadhalika, il ne lui incombe pas de prier alors que le repas il est posé et ni lorsque la personne a envie de faire ses besoins. Et le hadith qui nous prouve cela, hadith yani an Nabi sallam qui est muttafaqan alayhi anahu qala la salata bi hadrat at'am wa la huwa yadfa'u al-akhbathan. Donc yani an Nabi sallam nous avons dans le hadith que la récompense de la prière sera incomplète pour celui qui se sera présenté à la prière alors que le repas a été posé et de même pour celui qui a ressenti une forte envie de faire ses besoins. Le terme que j'ai utilisé là, dans la traduction de ce hadith, la récompense de la prière sera incomplète et volontaire. Même si, à travers, il y en a d'apparence, le hadith, il aurait été plus juste de le traduire en disant la prière de celui qui se sera présenté à la prière, celui qui se sera présenté à la prière alors que le repas a été présenté, ou bien qu'il a ressenti une énorme envie de faire ses besoins, ne sera invalide. D'apparence, le texte de ce hadith-là, il doit être traduit de la sorte, c'est-à-dire à émettre le jugement de l'invalidité de la salah. Là-qui, nous avons des hadiths qui nous prouvent que le sens qui est voulu ici par l'invalidité de la prière, c'est pas que la prière elle est annulée, mais que la prière, yani la récompense, elle sera diminuée. La récompense, elle sera diminuée. Yani l'invalidité qui est voulue ici, yani c'est une invalidité partielle. Tamam. C'est pas une invalidité qui est totale. C'est-à-dire que la personne doit recommencer la prière. Ce qui est voulu ici, c'est nafil kamal. C'est-à-dire que, barakallahu fikoum, la récompense complète sera invalide pour celui qui se sera présenté à la prière alors que le repas il a été posé, ou bien qu'il a ressenti une forte envie de faire, barakallahu fikoum, ses besoins. Ce qui nous prouve cela, تمام في حديث يعني كي يذكر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دعي الى الصلاه تمام وهو يحتز من كتف الشاه فقام فطرح السكين وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويعني il a été rapporté dans ce hadith que النبي صلى الله عليه وسلم a été appelé à ce qu'il vienne présider la prière alors qu'à ce moment-là quand on l'a appelé il est en train de couper l'épaule d'un mouton c'est-à-dire se préparer à manger. Lorsqu'il a été appelé, فقام, il s'est levé, وطرح السكين, et il a laissé le couteau, et il est parti pour présider la prière. Donc si jamais ceci aurait été une obligation, c'est-à-dire celui qui prie alors que le repas a été présenté, tamam, sa prière est invalide, on peut dire, ce hadith-là nous prouve que ce n'est pas le cas. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le repas a été posé, il est en train de couper l'épaule de ce mouton, il a été appelé à présider la prière, tamam, et il s'est levé pour, barakallahu fikoum, pour présider la prière. Donc ceci n'est pas une obligation, mais une chose qui est fortement recommandée, c'est-à-dire que lorsque le repas est présenté, tamam, ou lorsque tu as une forte envie de faire tes besoins, il est préférable de faire précéder tes besoins à la prière, dans le but que tu sois bien concentré dans la prière. Tamam. Et qu'à l'écart, lorsque le repas est posé, afin que ton esprit ne soit pas penché vers le repas qui a été posé. Ceci va peut-être te distraire pendant la prière. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, plutôt, a recommandé qu'on fasse précéder la chose qui va nous distraire à la prière, tamam, c'est-à-dire le repas quand il est posé ou lorsque la personne a une forte envie de faire ses besoins. Et ce qui appuie cela, نعم رضي فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. حديث رواه متفق عليه عن ابن عمر. Dans ce hadith, il nous a dit, lorsque le repas est posé et que l'appel à rejoindre les rangs et les fins, faites précéder le repas, c'est-à-dire manger. Et nous dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et qu'il ne se presse pas à manger. C'est-à-dire, il prend son temps, il mange. Une fois qu'il a fini de manger, tamam, il va et il va prier. Tamam. Lorsqu'il a pris la quantité suffisante qui va le permettre d'être concentré dans la prière, tamam, donc il prend son temps et il ne se presse pas. Tamam. Donc il faut qu'il précède le fait de manger le repas. Kemaqa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, commencez par le hacha, c'est-à-dire par le repas. قال رحمه الله تعالى وينظر في قيامه الى موضع سجوده اي نودي شيخ الالباني lorsqu'il prie il doit regarder vers l'endroit où il prie quant au fait de regarder vers l'endroit où il prie il y a rien qui a été précisé par rapport à cela. Il y a un hadith qui est venu mursal, c'est-à-dire que c'est un tabi'i qui nous a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه كان يرفع رأسه إلى السماء تدور عينه هنا وهنا فلما نزل قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه ونكس في الأرض. Ce hadith là, tamam, qui n'est pas authentique, comme l'ont jugé les imams Ibn Rajab, l'imam Nawawi, l'imam Zahabi, l'imam Ibn Kathir, ils ont jugé que ce hadith là il n'est pas sahih, car c'est un hadith qui est mursal, c'est-à-dire que c'est un tabi'i qui a dit le prophète sallam faisait. C'est ma'ruf, comme je vous ai dit au début du cours, que le tabi'i, il n'a pas rencontré le prophète sallam et on ne connaît pas l'intermédiaire qui est entre lui et le Nabi sallam. Donc le doute y plane, on ne peut pas se permettre de pouvoir authentifier un hadith dans lequel le doute est présent. Dans la parole de ce tabi'i, il nous informe que le Nabi sallam, il regardait ou fixait pendant sa prière les cieux. Ses yeux tournés à droite, à gauche, et lorsque le verset est descendu, quand aflaha al-mu'minun, on sert aussi les mu'minoun, ceux qui sont dans leur prière humble, c'est-à-dire qui prient de manière concentrée. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu cette révélation, il a baissé la tête et se mis à regarder le sol. Ce hadith-là, Ani, n'est pas authentique. Donc, Inch'Allah, à partir du moment qu'il n'y a rien qui a été authentifié par rapport à cela, la personne, Inch'Allah, elle est libre de regarder l'endroit qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle doit regarder l'endroit. Barthofikum, c'est pas l'endroit qu'elle veut, mais l'endroit vers lequel la concentration sera pour lui meilleure. Tamam. Et c'est ma'rouf, yani, le mieux c'est de regarder quoi? Yani, l'endroit du sujoud. Car c'est un endroit qui te permet d'être plus replié pendant la salat. Ah, même si tu lèves les yeux, tu vas te ramener à regarder les gens peut-être qui vont passer devant toi. Et là, même si jamais tu as la tête un peu baissée et les yeux qui sont fixés vers la terre, Inch'Allah, vers le sol plutôt, Inch'Allah, yani, ça sera une cause yani, pour que tu puisses être concentré dans ta prière. Donc on se recommande de regarder le sol, même si jamais il n'y a aucun hadith qui a été authentifié par rapport à cela. Il n'y a aucun hadith yani, qui a été authentifié par rapport à cela. Mais si jamais on venait à mettre à observer les valeurs de la prière et la valeur qui est la concentration, ceci nous implique à dire que l'endroit qui doit être regardé, c'est le sol. Tamam, c'est le sol. قال رحمه الله تعالى ولا يلتفت يمينا ولا يسارا فإن الالتفات اختلاس يختلس الشيطان في صلاة العبد. Il nous dit, et lorsqu'il prie, il ne doit pas tourner sa tête de droite à gauche. Car il nous dit, le fait qu'il tourne sa tête de droite à gauche, tamam, qu'il soit distrait dans sa prière, c'est une cause par laquelle le shaitan s'empare de sa prière et s'empare de l'esprit du serviteur. Tamam. Donc ça c'est min amali shaitan. Lorsque la personne se déconcentrée jusqu'au point de de tourner sa tête un peu à droite, à gauche, comme ça, d'être un peu agité, ça c'est une chose, yani, qui est un acte de shaitan par lequel il s'empare de la prière du serviteur. Là, le texte il a été puisé d'un hadith qui est muttafaqun alayhi, qui est rawahu al-Bukhari, dans lequel Aïcha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a demandé quel est le jugement d'avoir la boujate pendant la prière, de regarder à droite, à gauche et tout ça. النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. Il nous a dit, النبي صلى الله عليه وسلم, que c'est une cause par laquelle s'empare le shaitan de la prière du serviteur. تمام. شيخ العثيمين رحمه الله تعالى, il nous dit, le fait que le shaitan s'empare de ta prière est de deux sortes. Il te distrait, soit c'est la distraction des cœurs, ou bien la distraction des corps. C'est-à-dire que soit le cœur va être distrait, ou soit c'est le corps qui va être distrait. Quant au fait que le cœur soit distrait, comme on a pu le voir, c'est une chose qui n'annule pas la prière. Amma le corps, il nous dit, il y a deux manières. Il a deux manières d'être distrait, c'est-à-dire soit c'est son corps qui bouge, ou soit c'est sa tête qui bouge, c'est-à-dire la nuque. Si jamais son corps bouge de manière à ce que son corps il dévie de la qibla, comme on a pu le voir, la qibla c'est une condition qui doit être observée pendant la prière. Donc si jamais il bouge de sorte à ce qu'il dévie de la qibla, sa prière elle est annulée, parce qu'il n'a pas observé la condition. Quant au fait de bouger la tête, ou de bouger la nuque, et le corps, il est toujours dirigé vers la qibla, ceci, inshallah, n'annule pas la prière. Ceci n'annule pas la prière. Car, barakallahu fikum, comme ceci a été prouvé par hadith Abi Bakr, qui est muttafiqun alayhi, an Abu Bakrin, kan yusalli linnas, faja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fadakhala fi s-sufuf, faja'ala al-musallun yusaffiqun fi s-salah. Falamma akthara an-nas at-tasfiq, iltafat Abu Bakrin, فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس متفق عليه. Dans ce hadith là, Abu Bakr, lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم a été occupé par une autre chose, c'est lui qui a présidé la prière. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a terminé son occupation, il a rejoint les rangs même de la prière. Il s'est mis derrière Abu Bakr et les gens se sont mis à taper des mains. À taper des mains. Lorsque les personnes, yani les musallun, ils ont tapé des mains de manière répétitive, Abu Bakr il s'est mis à se retourner. C'est-à-dire qu'il a bougé sa nuque pour regarder qu'est-ce qui se passe. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est reculé et Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avancé et c'est lui qui a présidé la prière. Les ulama ils ont dit, le fait qu'Abu Bakr il a tourné la tête pour regarder derrière lui, qui était derrière lui, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était présent et il a prouvé cela, ça nous prouve que il est possible à la personne de pouvoir tourner sa tête pour une raison valable pendant la prière. Ceci ne diminue pas la récompense de la prière. Et nous disent, yani, le fait que, si jamais cet acte-là, c'est-à-dire bouger la nuque, bouger la tête, aurait été un acte qui annule la prière, Anam Sosem il aurait ordonné à Abu Bakr qu'il recommence la prière. Mais le fait qu'il s'est tué, qu'il a approuvé cela, ceci nous prouve que le fait de le faire, c'est-à-dire bouger la tête, pour une raison valable, ça diminue pas la récompense. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le faire, si jamais il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de raison, ça c'est, comme l'a dit Nabi Sosam, ikhtilasun yakhtalisu shaitan min salat al-abd. C'est une cause par laquelle s'empare le shaitan de la prière du serviteur. Donc il ne faut pas bouger, inshallah, la tête pendant la prière. Il ne faut pas la bouger, même si cela n'annule pas la prière, mais c'est une chose, comme on a pu voir, qui est détestable, car tu dévis ta tête, dévie ta tête, yani, du visage d'Allah Azza wa Jalla. Parce que, comme on a pu le voir dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم, إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله سبحانه وتعالى يواجيه. Et nous dit النبي صلى الله عليه وسلم, lorsque la personne prie, qu'elle ne dévie pas sa tête, car Allah subhanahu wa ta'ala est en face de lui. Le hadith a été rapporté par Tirmidhi, il est authentifié par Cheikhana Muhammad ibn Hizam, hafizahullah ta'ala. Donc ceci nous prouve que c'est vraiment détestable. Allah subhanahu wa ta'ala te fait face et toi tu lui tournes la tête. A'udhu billah. وقال رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يرفع بصره الى السماء. Il nous dit, il lui est pas possible de lever son regard ou bien lever les yeux vers les cieux pendant la prière, car le hadith yani l'interdit, comme cela a été évoqué le hadith Jabir ibn Abdullah رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم nous dit, que les gens qui regardent vers les cieux pendant la prière, si jamais ils n'arrêtent pas de faire ça, leur vue peut-être sera ôtée. Donc le fait de faire cela, c'est haram, comme on peut le voir dans ce hadith. Car le Messie, il a interdit. Et même, il a appuyé cette interdiction par taoukid, c'est-à-dire nous na taoukid, pour ceux qui ont un peu étudié la grammaire. Qala la yantahiyan. Tamam, il a appuyé cela par nous na taoukid qui nous prouve que cela est vraiment interdit. Tamam. Donc ceci est une chose qui est haram et on peut rajouter à cela qu'à la fin du hadith, un Nabi sallam, il a menacé les personnes qui font cela en disant que peut-être que leur vue sera ôtée. Leur vue sera ôtée, les personnes qui regardent vers les cieux pendant la prière, tamam, si jamais ils n'arrêtent pas de faire ça, leur vue peut-être sera ôtée. Donc le fait que ta vue soit ôtée, ceci nous prouve que tu es en train de faire un acte qui est vraiment yani haram. Comme l'a dit Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala. Et le jugement, quand on fait de ça, yani c'est interdit, c'est une interdiction car rien ne prouve le contraire. Et comme l'a dit l'imam al-Sam'ani, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit une chose, ceci nous prouve que ces choses-là sont haram. Ceci nous prouve que ces choses-là sont haram car, comme c'est ma'ruf, yani fi usul fiqh, dans les jugements ou les fondements de la jurisprudence, à partir du moment que les textes coraniques ou prophétiques évoquent ou énoncent une interdiction, tamam, ils disent an-nahi yufid at-tahrim. Le fait qu'il nous interdit une chose, ça rend cette chose-là qui n'allait pas légiférer d'être faite. Hein, donc c'est une interdiction. Certains de l'ulama, ils disent que c'est détestable. Lakin, il n'y a aucun hadith, aucun dalil qui dévie l'interdiction vers la chose qui est détestable. Hein. Donc le fait, barakallahu fikoum, de lever les yeux, c'est qu'il y a une chose qui est vraiment qui est haram et dans laquelle tu es menacé de perdre la vue. Et en plus de cela, c'est un edab qui est vraiment un comportement. Il y a un mauvais comportement. Car Allah subhanahu wa ta'ala te fait face et toi, tu lèves les yeux. S'il aurait été devant un président, devant un ministre, il aurait fixé les yeux. Amma Allah Azza wa Jal, Allah qui est plus grand que toute chose. Allahu Akbar. Tu proclames la grandeur d'Allah et ensuite tu regardes dans les yeux. Ceci est contradictoire. Et kadhalika, certains de l'ulama, ils voient que, pour finir, que fermer les yeux pendant la prière, yani c'est bien de faire ça. Ils disent si jamais la personne, vraiment, elle n'arrive pas à combattre shaitan et elle n'arrive pas à combattre son nefs afin de la. D'être concentré dans la prière, ils disent que c'est bien qu'elle ferme les yeux. Ceci, ce n'est pas, pas une chose qui est connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de fermer les yeux pendant la prière. Mais bien au contraire, c'est une chose qui va aboutir à ce que tu vas laisser les gens passer entre toi et ta sutra. Parce que tu fermes les yeux, donc toute personne peut être amenée à ce que les gens passent entre toi et ta sutra. Donc même par rapport à ce hadith-là, on peut en conclure, barakallahu fikum, que le fait de fermer les yeux pendant la prière, c'est une chose qui est peut-être même interdite. Car elle va t'amener à délaisser une obligation, qui est de repousser la personne si jamais elle veut passer entre toi ta sutra. Si tu fermes les yeux, tu ne pourras pas la repousser. Donc comme ils disent, la chose par laquelle s'accomplit l'obligation est tout aussi obligatoire. Donc le fait d'ouvrir les yeux, yani, te permet de pouvoir repousser. Si tu fermes les yeux, tu ne pourras pas repousser. Donc il faut que tu ouvres les yeux pour pouvoir repousser. Donc c'est une obligation telle qu'elle, yani, selon les règles de Qawa'id al-Fiqhiyah, c'est-à-dire les règles de la jurisprudence. Donc, yani, Inch'Allah, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Il n'y a aucun dalil qui nous prouve cela. Il faut baisser les yeux. Et si jamais Shaytan, comme on a pu le voir, il fait des wasawis, il essaie d'insuffler pendant la prière, yani, il crachote yani, sur sa gauche yani, trois fois et il demande le refuge auprès d'Allah en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hadha huwa. Inch'Allah, donc on va se contenter de cela. Et Inch'Allah, mercredi, non plutôt lundi, Inch'Allah, on va rentrer dans Dua al-Istiftah. Inch'Allah. Ce sera le sujet du cours prochain. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Y a-t-il des questions? Ah là, le mien, c'est... tu es un ami, Adi, m'a affiché. La personne qui est un, pour le khushu, non. Tu es un ami, m'a affiché. À Nabi sallallahu alayhi wa ça lui arrivait de prier. Il priait le Sajr, yani. Putain, il disait, on sortait jusqu'au moment où Nabi sallallahu alayhi wa il allongeait la prière du Fajr, jusqu'au moment où la personne pouvait savoir qui était à ses côtés. Ça veut dire que pendant la prière, il ne savait pas qui c'est qui était à côté de lui. Donc il priait dans le noir. Donc, m'a affiché, il prie avec la lumière éteinte, m'a affiché. Il n'y a rien qui l'interdit. Au contraire, il y a des choses qui prouvent que ça a été légiféré. Est-ce que c'est seulement si le repas, est-ce que seulement si le repas est prêt et servi, ou c'est la même chose quand on a commencé à préparer le repas et que ce n'est pas terminé au moment du azan? À la kulli hal, la mas'ala tourne autour du. Il y en a le fait que le repas soit posé, et que même si jamais tu n'as pas une grosse envie de manger, tu vois, il te permet de manger. Parce que le repas a été posé. De sorte à ce que ça ne t'amène pas à penser au repas pendant la prière. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, si vraiment tu as une forte envie de manger, tu as vraiment faim, et le repas, là, il est presque prêt. Là, qu'ils ont fait l'adhan, le repas n'a pas été posé. Fini. Le repas, si jamais ça ne prend pas beaucoup de temps, finis-le. Le repas, et ensuite mange. Mange, et ensuite tu rattrapes la prière. Parce que le fait que tu as une forte envie de manger, le repas, il est là. Il est presque prêt. Donc c'est quoi la suite de la question? On a commencé à préparer le repas et que c'est pas terminé au moment du azan, c'est en train de chauffer. C'est recommandé ou permis de manger? D'accord. Tout ça c'est une recommandation. Donc le mieux c'est que si jamais vraiment Yanni il reste un peu un temps minime, là bah, si jamais il reste encore, ils ont fait l'azan et c'est là que tu commences à faire la cuisine, non, là tu vas prier. Ou si jamais tu as la possibilité de prendre un petit truc sur la route, manger une banane ou une orange ou un petit truc sur la route, dans le hadith Aïcha, enlève-moi ce tissu, c'est un ordre. Donc c'est interdit de prier avec un tissu qu'on prend de l'imam. Parce que ceci, Yanni va, le fait que Nabi Sassam, il a dit, akhiri, c'est un ordre. Sahih, parce que Yanni, ceci aboutit à ce que Nabi Sassam soit concentré dans la prière. Et comme on a pu le voir, Yanni, le fait d'être concentré dans la prière, c'est une chose qui est recommandée. Donc le fait de prier vers des endroits où, ou bien avec des vêtements, qui ont des motifs ou bien des images, c'est-à-dire des images sans âme, ceci nous prouve que c'est détestable. Parce que le fait d'être concentré, c'est recommandé. C'est-à-dire si jamais tu le délaisses, ça fait de cet acte-là que tu as fait un acte qui est détestable. Est-ce que c'est un jugement qui va ramener jusqu'à le fait qu'il soit interdit, Inch'Allah? On posera la question. On va poser la question. D'apparence, c'est que c'est détestable. Inch'Allah, on posera la question pour le prochain cours. Je ne manquerai pas de vous faire part, Inch'Allah, de la réponse. Y a-t-il d'autres questions, Inch'Allah? Ou bien on conclut sur cela? Abshiro, Abdurrahman al-Shamiri, Inch'Allah, je suis en train de préparer ça. Je suis en train de lui préparer. Je lui ai demandé la permission. Nous avons une très belle lecture, Inch'Allah, Abshiro. On est en train de mettre ça en place. Mais comme l'effectif il est peu et qu'il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire chacun fait des cours à droite à gauche, on a des cours à la mosquée, on a des cours sur internet avec vous, on a les révisions et tout, donc le temps il est un peu juste, mais Inch'Allah Ta'ala, Abshiru, Inch'Allah, on va le mettre à votre disposition, même si jamais c'est une surah après une surah, on va le mettre Inch'Allah à la disposition. Kazalika, la lecture de notre frère à la fin de la kalima, si vous avez pu le voir, j'ai mis aussi une lecture, c'est celle de notre frère Sulayman Al-Mahdi, et Kazalika, notre frère Ali, Tamam Al-Zahiri, il m'a passé le Coran, il est en train de le lire petit à petit, Inch'Allah, on va l'enregistrer, il s'enregistre. Et Inch'Allah, dans le futur, on va essayer de mettre l'arrestation des frères salafis. C'est-à-dire qu'on Hamdan, volontairement, on ne va pas mettre la lecture des gens dont leur minhaj est douteux. En prenant pour cela l'acte Ibn Sirin, lorsque la personne lui a dit « Puis-je te lire ne serait-ce qu'une ayah ?» il a mis ses doigts dans les oreilles, il a dit « Wala ayah, tu ne me lis pas une ayah. » Donc Inch'Allah, nous, on va essayer d'éviter de mettre les gens de la bid'ah ou les gens dont leur dîne est douteux, on évite de les mettre, on essaie de faire de ce site-là qu'il soit salafi, que ce soit les cours, Coran ou bien autre. Et alhamdoulilah, les lecteurs salafi, c'est pas ça qui manque. Les récitateurs, je veux dire. Peut-on prendre des cours d'arabe sur les salons où il y a de la mixité? Voilà le truc qu'il faut faire, comme on a pu le voir, avec Cheikh Awalan, moi je vous conseille de prendre des cours d'arabe, c'est des gens dont vous connaissez leur parcours. Vous savez que c'est des gens qui ont étudié, ou peut-être il y en a des personnes qui ont des sites dans lesquels les ulama, ils ont approuvé leur travail. Parce que c'est comme ça que ça va marcher. Les ulama, ils doivent approuver ton travail, comme ça, Inch'Allah, c'est comme si jamais ils donnaient l'autorisation de pouvoir propager le dîn aux gens. Donc les gens que vous ne connaissez pas, iyakum wa iyakum, ceux que vous ne connaissez pas, ne vous précipitez pas à prendre des cours d'arabe de chez eux. Ça, c'est une nasiha. Deuxième, il y en a par rapport au salon, si jamais il y a de la mixité ou pas, comme on a pu le voir, avec Cheikh Mohamed Ibn Hizam, la question a été posée par Cheikh Mohamed Ibn Hizam, par le frère Khalil, hafizahullah ta'ala. Il nous a dit, il n'y a pas de mal à cela. C'est pas une mixité, par les corps, tu vois. La mixité, elle est par les corps. Il nous a dit, Cheikh Abdur Raqib, c'est le mieux, c'est de faire comme on a fait là. C'est-à-dire que tous les participants, et c'est ce que moi je vous conseille de conseiller aux personnes que vous connaissez qui ont des salons salafis, qui fassent la même chose. C'est-à-dire que les participants, qu'ils soient inconnus. Comme ça, on ne connaît pas l'homme de la femme, afin de fermer toute porte. À ce que la personne, elle envoie des mails sur une autre personne. Comme c'est le cas, moi j'ai pu le voir ça sur le Coltac. Le mieux, c'est de fermer la porte à tout cela, c'est en mettant des participants. Personne ne se parle, personne ne s'envoie des messages privés. La personne vient, elle écoute le dars. Si jamais toi, tu viens, tu te présentes au dars, tu ne vas pas parler avec ton copain. C'est-à-dire, si jamais tu es devant le prof, la même chose. Là, tu es dans un cours. Donc les messages privés, Inch'Allah, il n'y a pas. Pendant le cours, pendant le salon, surtout sur ce salon-là, il n'y a pas de message privé. Celui qui veut écrire une chose, il écrit, il le met directement sur la page principale. Il n'y a pas de message privé. Ça, c'est le truc qu'on se conseille. On se conseille ceci. Donc, Yanné, conseille aux gens de faire la même chose. Qu'on ferme la porte à tout mal. T'as même, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Y a-t-il d'autres points à comment ça s'appelle, éclaircir, ou bien on se quitte sur cela? Inch'Allah, on se quitte sur cela, c'est bon? Inch'Allah. S'il n'y a pas de main levée, subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حفظكم الله سبحانه وتعالى مع تحية دماج افاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار